mon verre sa boire. Amis, je bois à la santé de la fée aimable et charmante qui nous donne l'hospitalité d'une façon si bienveillante. À notre fée aimable et charmante, à notre fée aimable et charmante, à sa santé, à sa santé, à sa santé, à sa santé. Soyons gais comme des pinceaux, soyons gais comme des pinceaux, c'est l'heure d'entonner des chansons, c'est l'heure d'entonner des chansons. Chacun va dire sa chacune, à vous l'honneur, à vous, à vous l'honneur, à vous l'honneur, à vous, à vous l'honneur. Je n'en sais qu'une, dites-nous là, dites-nous là. C'est un air défendu que j'ai trouvé chez nous, une chanson enfin, où l'on parle de vous. De nous, vraiment, mais c'est charmant. Depuis longtemps, l'Italia peut enfin devenir son maître. Prions, on n'écoute rien, c'est à qui nous enverra paître. Pour français bien, nous te plorons en attendant le jour de fête. Jour où nous te reverrons, chacun de nous tout paraît même, chacun de nous tout paraît même. Petit français, brave français, viens délivrer notre patrie, tu sauras bien, je te sais, par les femmes de l'Italie. Petit français, brave français, viens délivrer notre patrie, tu sauras bien, je te sais, par les enfants de l'Italie. Petit français, gentil français, allez bien, des gentils français, jolis français, on attend, on attend, on attend. Le français a le cœur brûlant, il en a donné plus d'un gage. Il a laissé dans mille ans des souvenirs de son passage. Toujours dans les tendres combats, sa victoire fut si complète que les dames diront tout bas en pensant à quelque amourette. En pensant à quelque amourette. Et toi, petit français, brave français, viens délivrer notre patrie. Tu seras bien, je te sais, par les femmes de l'Italie. Petit français, brave français, viens délivrer notre patrie. Tu seras bien, je te sais, par les femmes de l'Italie. Petit français, petit français, allez bien, viens. Claudine, la légende du petit troupier.